ومن هنا on peut citer une mas'ala al-qubla lis-sa'im, embrasser sa femme fi nahar ramadan fi as-siyam. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل زوجته عليه الصلاة والسلام في نهار رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم il embrassait ses femmes في نهار رمضان, ça montre que c'est pas haram. لكن كما قالت عائشة وكان أملككم لإربه, لكن النبي صلى الله عليه وسلم il se maîtrisa, c'est أفضل البشر, c'est أتقى الناس. أما celui qui a une شهوة كبيرة il est ضعيف من حيث أنه ربما ça le pousse à avoir des rapports et tomber في الذنب الكبير في رمضان, فهذا يجتنب, il s'écarte de هذا. قال الإمام الألباني رحمة الله عليه في تمام المنة لا ننصح الصائم وبخاصة إذا كان قوي الشهوة أن يباشر وهو الصائم. الشيخ الألباني رحمة الله عليه ينصح أن الإنسان يبتعد من هذا. S'il sait que ça peut le pousser à avoir des rapports, il s'écarte. قال خشية أن يقع في المحظور أي الجماع, وهذا سدا للذريعة المستفادة من عديد من أدلة الشريعة, منها قوله صلى الله عليه وسلم ومن حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه. تقدم معنا هذا الحديث في شرح الأربعين. هذا باب مهم, fermer les portes au haram. فمثلا avoir des rapports الجماع في نهار رمضان حرام بالإجماع, بل une كفارة كبيرة pour celui qui fait ce temps. Ça montre que c'est très grave. Une chose qui peut pousser à ce haram, écarte-toi. فَمَثَلًا التَّقْوِيلُ فِي نَهَرْ رَمَضَانِ c'est mouvah, c'est pas interdit. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait. لكن si ça peut pousser à un haram, écarte-toi. دَعْمَا يَرِيبُكْ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكْ وَالسَّلَامَةْ لَا يُعْدِلُهَا شَيْءٌ. Que ça soit في هذا الباب ou في غيره. لِأَنَّا il y a des choses, c'est haram, واضح. Et il y a des choses, c'est des wasa'il, des choses qui peuvent te pousser à un haram clair. Écarte-toi du haram clair et كذلك, écarte-toi de la wasila. Hatta tu préserves ton din. Amma kam min al-nas, ils se rapprochent, thumma yaqa'ouna fi al-dhanb. Limadha li'annahum, ils se sont approchés. Wa man hama hawla al-himam, awshaka an yaqa'a fiyya. Cet exemple que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a donné, il y a celui qui promène son troupeau à côté de la terre d'un autre, et il n'a pas le droit de pénétrer dans cette terre, et il emmène son troupeau à côté, Robama, une bête de son troupeau, elle pénètre. Robama, sahibu al-ard, il lui reproche des choses, il lui demande des comptes, il a akhiri. Pourquoi les annahu s'est rapproché? Amma, il leur a emmené son troupeau dans un endroit où il n'y a personne. Il serait loin de ce haram, ou de cette chose qui ne lui est pas permise. فهذا سبب مهم العلماء إذا insist beaucoup سد ذرائع المحرمات. Et on a un exemple هنا في الصيام. فالسلوي كي سن من نفسه أنه ربما يقع في المحذور فإيسي كخت أصلا.